couplets. Ma haine fait que d'augmenter. La France fait qu'appeler, il me faut du blé. Big Box sort le teu soin pendant que les types caillassent les bleus. On scène les terres avec le ventre creux, c'est cru. Et ouais mec ça vient de la rue. T'as vu que des dégaines m'écras réunis pour un seul but. Plier le beat avec des lyrics qui te brisent la nuque. Comme un coup de cri. OCB sans plomb 91, pas de kérosène ou de diesel. X comme Vin Diesel, BH best au jean diesel. On arrive en 12-12, faut que tu te pousses, couche. Veux du couscous, boubou, l'appétit de mousse. Hayam gangsta rouya, comme qui sert anti-douya. Belek à la poucave, négro caché chez le touba. Long jumeau c'est le Mali et quand on déboule tout saigne. À ma retraite on nous regrettera comme Saddam Hussein. J'suis aussi froid que l'Alaska, aussi sombre que la Sco. L'Esco j'en fais ma table, l'escroc kamikaze à la SK. Elle a aimé ses morts à Blayéné, pas d'Ayena. Y'a la rasta, ne salis pas ma peau à l'aîné. Les nerfs à fleur de peau, mes pulsions à peur, mes rivaux. Épuisés par mes songes, la haine, seule ma peine la vaut. Vis-à-vis des miens, respect oblige, tu piges. Je lève mon doigt numéro 3 à la PJ. Ma vie est bizarre quand j'y pense. Peut-être parce qu'on n'est pas les bienvenus. Je sais pas, demande à la France. Égalité, fraternité, je crois que c'était une farce. L'hypocrisie, forcément, elle s'entend à force. La vie est dure comme soulever 500 tonnes sans force. On s'endurcit sans être à l'abri d'une grosse entorse. C'est SPYK, pas besoin de le demander. Dans la vie on reste économique comme DAMAD. J'suis noir africain barbare. J'habite dans un Tchekar. J'suis en France pour récupérer ma part. J'suis pas français, pas né ici, j'm'en bats les couilles. Si tu veux ma peau, viens me tester si t'as les couilles. J'bosse pour esquiver la justice et la tôle. Pour passer les temps, j'cause avec mes potes devant les halls. J'rappe pour évacuer ma haine, j'fume pour me calmer les nerfs. Si j'reste tranquille, c'est pour mon père et ma mère. J'écris, toujours sans état d'âme. Dispose mes sentiments comme cette pute qu'a son macadam. Que l'arbre sans racine ne peut pas vivre. Sans les proches, sans la mif, sans ralci, c'est dur de suivre. Démocrate, j'impose mon style infect. Communiquer et transmettre, donc à chaque son, chine le perfect. Qui sert, dis-leur, c'est notre heure de gloire. Goûter au succès, d'acquérir un peu de pouvoir. C'est ma fête, sortie de ton père, rien à prouver. Je tourne en rond comme le tourniquet, trop couvé. Dans le ventre de la cité, quand est-ce qu'elle va m'accoucher? Retranché à couvert, car l'État nous bloque à notre plancher. Voué à l'échec, mon CV c'est des palettes. Pour palper, faut écouler, braquer, escroquer des chèques. Mécène, mercenaire envers ce système. Mais cerne mes nerfs, trop de fatigue dans l'optique à changer le thème. 2007, j'ai l'impression que le rap du bétume ne casse plus des briques que la street brick. Plus sur des trips rap tic, chin chin. Le tic de la bise du showbiz. Les dents sont dorées, oreilles argentées. Bling bling, le cerveau dans le slip. Les groupies sont décorés d'une tache sur leur string. Les fun ding ding brille, ça bip mais pas d'unité. Ne me parle pas d'unité ni c'est de communauté. Putain de disque de béton, je fais plus de piste de béton. Mais je garde le fils du ghetto. Dar au street art, hardcore comme table. Si t'es dans ce trip là, on se met d'accord dans le rap. Je rêve de canner un port façon Bertrand Cantat. Et bref, me barrer de la France pour un taf rentable. Toujours à mec avec un mental d'acier. La musique c'est ma branche, j'encule celui qui est en train de me lâcher. J'arrive au cas par cas, en mode crevard, première cavalcade. Dans ce business, trop d'MC cavalcache. J'tise la Bavaria, les poulets sont avariés. Ma vie n'a pas varié, toutes mes journées sont pareilles. 24 balais sur terre, bon qu'à insulter. Mais j'm'en balais, j'marche dans ma ville en sûreté. JCR MDB, connexion sanguinaire. Champion du monde, la baronne, j'aurai ma place dans le Guinness.